Donc, je vais parler des métiers de la scène à Paris au XIXe siècle. Le journaliste Alfred Delvaux écrivait en 1867 à propos du peuple de Paris: C'est chez lui une rage, une maladie, une infirmité. On pourrait affirmer qu'il ne vit, qu'il ne travaille, qu'il ne consent à pâtir qu'à condition d'aller se régaler au théâtre. Le théâtre est donc, on le voit, la distraction favorite des Parisiens durant tout le XIXe siècle. Et ce n'est pas seulement une distraction élitiste, bien que les théâtres et les opéras soient également des lieux de sociabilité importants pour la noblesse et la bourgeoisie. Tout le monde va au théâtre. Et il existe toute une variété de scènes, depuis le boulevard du crime à la réputation sulfureuse, jusqu'aux scènes aussi réputées que le théâtre français, l'Odéon, l'opéra. Il s'agit bien plus que d'une distraction, donc, d'une véritable industrie qui génère des profits considérables et attire des investisseurs de tous bords, industriels, banquiers, journalistes, artistes. Dans un tel contexte, on comprend que les métiers de la scène aient suscité de nombreuses vocations, et particulièrement, puisque tel est mon propos aujourd'hui, chez les jeunes filles. Fascinées par quelques figures d'artistes célèbres qui étalent leur fortune et adoptent un train de vie somptueux, beaucoup de jeunes filles voient dans le théâtre l'opportunité d'échapper à une vie misérable d'ouvrière et rêvent d'atteindre, grâce à lui, sinon gloire et fortune, tout au moins une vie moins contraignante, moins répétitive et, espère-t-elle, plus divertissante et plus rémunératrice. Mais entre ces fantasmes et les réalités de la vie des métiers de la scène, le fossé est vertigineux. Et c'est ce que je vais tenter de montrer dans mon exposé. Je vais commencer par parler des petits métiers autour du théâtre. En premier lieu, donc, je voudrais évoquer les petits métiers de la scène qu'on ignore habituellement, car dans le théâtre, il y a les métiers dont on parle, principalement celui d'actrice, et ceux qui s'agitent discrètement dans l'ombre des acteurs. Toutes sortes de petits métiers gravitent pourtant autour des comédiens, et dont certains sont spécifiquement féminins, comme l'ouvreuse, la couturière, l'habilleuse, mais aussi la bouquetière, la plumassière, la modiste, qui sont des métiers directement liés au théâtre. Pour dépeindre ces métiers, force est de constater qu'on se heurte à un problème de source, car les femmes qui exercent ces métiers ne laissent que peu de traces dans les archives. Les sources, donc, sont maigres. Dans les archives des théâtres, ce type de personnel, lorsque les femmes qui exercent ces métiers appartiennent au personnel du théâtre directement, elles n'apparaissent que rarement dans les archives théâtrales, sinon par un simple nom suivi d'une mention de salaire. Et les sources secondaires dont on dispose par ailleurs sont biaisées parce qu'elles sont soit misérabilistes, soit caricaturales. En premier lieu, je voudrais parler de l'habilleuse. Qui fait partie donc de ces petits métiers un peu ignorés qui existent dans l'ombre des acteurs, dans l'ombre des théâtres. Il existe bien un ouvrage intitulé Les Cancans de l'Opéra, le journal d'une habilleuse 1836-1848. On s'attend à première vue à y trouver toutes sortes de renseignements sur le métier. Pas du tout. En fait, ce manuscrit est un faux. Et Jean-Louis Tamvaco, qui est l'auteur de l'édition critique du fameux journal, a réussi à le démontrer en prouvant que l'auteur n'est pas du tout une habilleuse, mais un certain Louis Gentil, qui occupait alors le poste de contrôleur de matériel à l'Opéra entre 1831 et 1848. Et ce qu'il présentait comme un journal n'était en fait que l'assemblage plus ou moins chronologique de critiques théâtrales. Ces articles rapportent toutes sortes d'événements et d'indiscrétions sur les coulisses de l'opéra, très axés bien entendu sur les histoires lestes entre danseuses, actrices, cantatrices et les hommes du monde qui fréquentaient le foyer. Donc, notre habilleuse est en fait un homme qui affecte un parler populaire pour faire illusion Et de fait, l'ouvrage n'apporte guère de renseignements précis sur la profession. Dans les petits mystères de l'opéra, Charles Boigne évoque les 40 ou 50 couturières qui travaillent à la fois confection et raccommodage des costumes sous les ordres de Madame Lambert, maîtresse couturière et maîtresse femme. Mais ajoute-t-il, le soir, tout ce qui coud le jour dépose l'aiguille et devient habilleuse. Ainsi, l'habilleuse ne calque pas ses horaires sur ceux des acteurs, elle travaille le jour à la préparation et à la confection des costumes, et pendant les représentations, elle est occupée donc à aider les acteurs à vêtir leurs costumes. Les horaires sont donc éreintants. L'habilleuse cumulant travaille de jour et travaille de nuit, qui se termine souvent à 2 h du matin. Elle est en fait une sorte de domestique aux ordres des comédiens, soumise à l'amende pour le moindre manquement dans son travail. Et bien sûr, bien entendu, dans les cancans de l'opéra, l'auteur met plutôt en avant l'intérêt de ce métier discret, au point que celles qu'il exerce sont transparentes. Et l'habilleuse, évidemment, bénéficie dès lors d'un poste d'observation privilégié des mœurs de la société qui gravite autour de l'opéra. Elle officie dans l'intimité des actrices et connaît donc leurs secrets d'alcôve et ceux des hommes du monde qui fréquentent le foyer. Mais de fait, la réalité devait être nettement moins réjouissante. Charles Boigne nous explique par ailleurs qu'il existe dans les grands théâtres une hiérarchie précise parmi les habilleuses. Tout au bas de l'échelle, on trouve celles qui s'occupent des figurants. Par contre, celles qui habillent les premiers sujets sont privilégiées. C'est un poste, dit-il, très recherché, qui est accordé comme une récompense. C'est le bâton de maréchal, donc, de la profession. Et il explique: au jour de l'an, le premier sujet donne des étrennes, quelquefois un fixe par mois, et presque toujours une gratification après un spectacle réussi. Ainsi, les habilleuses touchaient quelquefois un fixe, mais comptaient beaucoup sur les pourboires pour arrondir leur fin de mois. Parmi les autres activités liées au théâtre, citons aussi la fleuriste ou bouquetière. On trouve dans l'encyclopédie, une encyclopédie fameuse qui s'appelle Les Français peints par eux-mêmes, un portrait de cette fameuse bouquetière. Bien évidemment, cette source est à manier avec infiniment de précautions. Il s'agit en effet d'une galerie de portraits types de la société française vers le milieu du XIXe siècle, dans laquelle figurent, entre autres stéréotypes, des représentants des petits métiers étroitement liés au théâtre, comme précisément la bouquetière, le petit rat de l'opéra ou la figurante. Tous ces portraits sont écrits sur le mode humoristique, caricatural, mais au-delà des clichés, ils nous donnent quand même des indications précieuses sur cette frange ignorée de la population qui gravite autour des théâtres parisiens. Ainsi, pour les bouquetières, l'auteur de l'article, donc tiré des Français peints par eux-mêmes, nous explique qu'il en existe plusieurs catégories. Depuis les plus pauvres qui ramassent elles-mêmes les fleurs dans les forêts des environs de Paris, qui les proposent pour quelques sous, jusqu'aux mieux nantis d'entre elles, qui sont sans conteste celles qui exercent dans les lieux de spectacle. Et je cite, pour le débit des fleurs, il n'y a que 2 ou 3 bonnes places à Paris, et notamment les théâtres et l'opéra, le soir, quand l'harmonie étincelle, quand le gaz éclate, quand les femmes riches et parées s'en vont en diamants, en dentelles, se livrer aux extases de l'harmonie. C'est donc à l'ombre des théâtres que les affaires sont les meilleures. Les hommes achetant des bouquets pour fleurir leur boutonnière, pour leur compagne, ou encore, bien entendu, pour les offrir aux actrices, aux comédiennes, aux danseuses. Nous trouvons aussi, parmi ces portraits d'un genre convenu, la figurante. La figurante appartient au dernier échelon du personnel des théâtres. C'est, nous dit-on, une jeune fille pauvre, née dans la soupente d'un portier, et qui espère se faire repérer sur scène pour accéder au rang de comédienne. souvent couturière de son état, une grisette, elle est éblouie par les costumes de scène qu'on lui demande d'exécuter et rêve de les revêtir à son tour. Elle abandonne donc son métier pour devenir figurante. En fait, nous dit l'auteur, les figurantes ne sont que des dames de cœur condamnées à d'obscures pirouettes ou à des monosyllabes fugitifs. Elles pénètrent, certes, la société du théâtre, mais leur relation se limite en fait à l'habilleuse et la fleuriste du théâtre, et elle est au mieux avec sa portière, à qui elle procure une foule de billets sans droit, ces fameux billets de faveur. Et l'auteur ajoute, on sait combien est mince la rétribution de la figurante, que la figurante reçoit de la caisse du théâtre. Ce prix varie de 15 sous à 2 francs, mais il ne va jamais au-delà. La figurante trouve que ce n'est pas assez pour les besoins les plus usuels de la vie, en effet. Donc, elle est obligée d'assurer de menus emplois supplémentaires. Elle lave, elle plisse, elle blanchit et ourle des cravates, elle brode des bretelles, etc. Bref, elle ne gagne pas de quoi vivre, mais elle persévère dans l'espoir d'être remarquée par un auteur ou par un directeur de théâtre. Mais la fin de l'article évoque le sort, hélas, commun de la figurante qui n'a pas percé dans le monde du spectacle, et c'est bien entendu le cas le plus fréquent. Je cite, « Elle a 35 ans, c'est-à-dire que ses dents ont jauni, ses ongles sont devenus bleus, un réseau de rides impitoyables sillonne les contours de son visage. 35 ans, l'âge de la retraite pour la figurante. Un matin, elle sort du théâtre comme elle y est entrée, sans éclat, sans bruit, sans apparat. Mais elle ne quitte pas pour autant le monde du théâtre qu'elle a choisi. Elle devient alors concierge d'une actrice en vogue, à moins qu'elle ne préfère concourir pour être ouvreuse de loge dans un petit théâtre de boulevard. Notons au passage que donc, dans la hiérarchie de ces petits métiers du théâtre, l'ouvreuse de loge se situe tout à fait au bas de l'échelle. C'est elle qui conduit les abonnés à leur place, propose longue-vue et jumelles pour mieux suivre le spectacle. Il y a aussi celle qui tient le vestiaire dans les grands théâtres, comme précisément la mère de l'actrice et poétesse Marceline Desbordes-Valmore. Et bien souvent, on se rend compte que les actrices sont en fait les filles de ces femmes qui leur ont ouvert en fait les portes le monde du théâtre par la petite porte, si je puis m'exprimer ainsi. Ainsi, en dehors des clichés que nous rapporte la littérature, les petits métiers qui gravitent autour du monde théâtral sont bien mal connus. On ne connaît pas précisément leur rémunération. On ne sait pas quelle est la part exacte des pourboires et autres gratifications dans leurs revenus. Ces femmes sont transparentes. Elles sont les figurantes muettes qui s'agitent à l'ombre des actrices célèbres. Mais leur modeste métier échappent au feu de la rampe et leur vie reste obscure car elle ne suscite ni l'intérêt des chroniqueurs de théâtre ni celle des romanciers. Et pourtant, leur activité est indispensable à la bonne marche de l'entreprise théâtrale. À la fin du siècle, mais surtout au début du XXe siècle, on assiste progressivement à la professionnalisation des métiers annexes du théâtre, avec notamment l'apparition d'organisations professionnelles sous forme de syndicats. Les habilleuses, notamment, entament un mouvement de grève à la suite des danseurs de l'opéra. C'est une grève qui a lieu en 1912 pour protester contre un statut abusif et dénonçant notamment la pratique habituelle de la mise à l'amende au moindre manquement professionnel, qui est une pratique si pénalisante sur des revenus déjà très maigres. Elle réclame également des horaires moins contraignants, des appointements plus élevés. Mais je dois absolument préciser que c'est un point que je n'ai qu'entrevu et j'espère pouvoir travailler plus précisément là-dessus. Mais ça se situe plutôt donc les débuts de la professionnalisation de ce genre de métier, des syndicats et des mouvements de grève, c'est vraiment le début du XXe siècle et au-delà. Donc je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui ont travaillé là-dessus, mais c'est un sujet que je pense qui mérite d'être creusé. Bien, passons maintenant au métier de l'actrice, proprement dit. Là, évidemment, Les sources sont pléthoriques, on en a trop à dire, j'ai dû opérer des coupes sévères dans ce que j'ai à dire. Le milieu social d'origine. La plupart des actrices sont issues du milieu du théâtre, qu'elles soient filles de comédiens, de musiciens ou de tout autre métier du théâtre. Elles sont donc en majorité ce qu'on appelle des enfants de la balle et elles reproduisent tout naturellement le métier de leurs parents. Ainsi, par exemple, la future Mademoiselle Georges avait un père musicien et directeur de théâtre et une mère comédienne. Mais ce n'est vraiment qu'un exemple parmi tant d'autres. Rose Géry, Virginie Desjazets sont issues de véritables lignées de comédiens. Pour d'autres, le métier d'actrice est un moyen, pour celles qui ne sortent pas de ce milieu, le métier d'actrice est un moyen d'échapper au prolétariat. Souvent, ce sont des jeunes filles pauvres, souvent orphelines, élevées par une femme seule. Elles voient dans le théâtre un moyen d'accéder à une vie meilleure. Même chose pour les danseuses. Au début du siècle, mis à part quelques ballerines internationales, toutes les danseuses sont issues des classes les plus démunies de la capitale. Dans les cancans de l'opéra, le fameux journal dont je parlais, on peut dire « il est peu de familles sans fortune qui répugnaient à placer leur fille à l'opéra, car c'était le seul moyen, un des seuls moyens pour une fille jeune et jolie d'échapper à la pauvreté. » Et de décrire plus loin avec un réalisme cruel, cette pauvre créature étiolée, à l'œil plombé de fatigue, au tibia desséché, au bras maigre, sur laquelle repose l'espoir de la famille, celui de sortir de la misère, d'obtenir un sort meilleur pour elle-même et pour toute sa famille. Le milieu du théâtre, milieu qui accueille sans condition de fortune, mais qu'on peut intégrer avec un peu de chance et avec un peu de courage, attire donc les jeunes filles pauvres en quête de fortune. Et l'exemple emblématique de cette ascension sociale est sans conteste Rachel. La grande tragédienne avait connu l'enfance la plus misérable qui soit et elle avait été repérée alors qu'elle chantait dans les cours et dans les cabarets de Lyon. C'était alors une enfant famélique et illettrée qui de plus parlait à peine le français, ce qui ne l'empêcha pas de devenir la tragédienne la plus célèbre de son temps. Ce genre d'exemple, connu de tous, faisait rêver bien évidemment, car il montrait que dans la société rigide du 19e siècle, le monde du théâtre était le monde de tous les possibles. La formation. Pour les jeunes filles nées dans les familles d'acteurs, la formation se fait tout naturellement sur le tas, et ce, dès le plus jeune âge. Ainsi, Rose Géry a débuté sur les planches dès l'âge de 4 ans. On ne traînait pas, et elle n'est pas une exception. Les théâtres d'enfants, qui mettaient en scène des petits acteurs entre 5 et 10 ans, furent très en vogue jusqu'à l'interdiction par le décret de 1846 d'engager des enfants de moins de 16 ans. Ainsi, Virginie Desjazets débuta à 1802, à l'âge de 5 ans, comme danseuse au théâtre des petits comédiens. À 6 ans, elle intègre le théâtre des jeunes artistes, rue Bondy, où elle interprète le personnage de l'amour dans une pièce intitulée Les Sauvages de la Montagne d'Or. C'est une féerie d'Abdé qui devait être quelque chose de formidable. Quelques mois plus tard, elle est engagée au théâtre des jeunes élèves, rue Dauphine. Et ce fameux théâtre des jeunes élèves, en fait, comprenait deux troupes. L'une pour les enfants de 5 à 10 ans et l'autre pour ceux entre 14 et 20 ans. Il y avait aussi un autre théâtre d'enfants célèbre à Paris qui était le théâtre Comte. Et c'est dans ces théâtres, en fait, dans ces théâtres d'enfants que les apprenties comédiennes faisaient connaissance avec la scène et apprenaient leur métier. Après une telle formation, elles trouvaient généralement des engagements, mais rarement dans les grands théâtres, comme la Comédie Française ou l'Odéon. Elles se contentaient le plus souvent de jouer dans des petits théâtres privés ou encore sur des scènes de province. La voie royale pour accéder à la carrière de comédienne était bien entendu le conservatoire. Pour y accéder, il fallait passer un concours d'entrée qui, au demeurant, était assez fantaisiste. Je prends pour exemple Sarah Bernhardt, qui a été présentée au directeur de l'opéra Esprit Auber par le duc de Morny. Et tout laisse à penser qu'elle n'a été admise que grâce au soutien de ce personnage puissant dans le monde des arts, car, pour tout concours, elle se contente de réciter comme une écolière les deux pigeons, et elle est reçue. La scolarité au conservatoire est payante, et on y recrute soit des jeunes filles de la petite bourgeoisie qui ont besoin par la suite de s'assurer une indépendance financière, soit des jeunes filles au statut social fragile, comme précisément Sarah Bernhardt, qui était orpheline de père et dont la mère était une demi-mondaine. La formation donc en conservatoire était de 3 ans. Elle était variée, elle comprenait des cours dispensés d'ailleurs par des sociétaires de la Comédie-Française qui donnaient des cours d'histoire du théâtre, des cours de maintien, de déclamation, de danse et de chant. Mais il manquait cruellement aux élèves l'apprentissage pratique de la scène, car il était formellement interdit aux comédiennes qui étaient au conservatoire de contacter un quelconque engagement avec un théâtre sous peine de renvoi. Il leur arrivait donc, pour s'exercer, de jouer sous des pseudonymes dans d'obscures scènes de banlieue ou encore sur des scènes de théâtre amateur. À la fin du siècle, quand même, pour pallier ce manque évident de formation des acteurs, les apprentis comédiens du conservatoire obtiennent l'autorisation de s'exercer sur la scène de ce qu'on a appelé les théâtres d'élèves, aussi appelés les théâtres d'application, dont le plus célèbre fut la Bodinière. Certains professeurs dispensaient aussi des cours privés, comme le célèbre Samson, qui prit la petite Rachel sous son aile et lui donna non seulement gratuitement des cours particuliers, qu'il accueillit dans sa famille comme sa propre fille, mais il est certain que seul l'exceptionnel talent de la jeune fille justifiait un tel traitement de faveur. À la sortie du conservatoire, les élèves passent un concours auquel assistent les auteurs, les critiques, les directeurs de salle pour y repérer les nouveaux talents. Les premiers prix étaient recrutés soit par le Théâtre Français, soit par celui de l'Odéon, c'est-à-dire les grandes salles subventionnées. Les autres partaient pour les théâtres privés, et puis les derniers de la liste se retrouvaient en province. Mais le talent seul ne suffit pas pour obtenir un engagement. Par exemple, Sarah Bernhardt, pour revenir à elle, elle n'a obtenu que le deuxième prix de comédie à l'issue donc de ses 3 ans de conservatoire, et elle n'obtient aucune récompense en tragédie. Mais le duc de Morny obtient pour sa protégée une place au Théâtre Français en intervenant auprès de Camille Doucet, qui est le directeur pour le théâtre au ministère des Beaux-Arts. S'en suivit un dîner pour fêter l'événement chez la tante de Sarah, auquel assistait Morny, bien sûr, mais aussi Camille Doucet, carrément, le ministre des Beaux-Arts Walewski et le compositeur Rossini. La jeune Sarah, bien entendu, obtient une place, un engagement au Théâtre Français, et elle fait ses débuts sur la scène de la Comédie Française le 11 août 1862. Passons maintenant à la formation, enfin, aux chanteuses, au cas particulier des chanteuses lyriques et des danseuses. Elles sont formées, donc les danseuses sont formées à l'école de l'opéra. L'opéra est pour la ballerine une sorte de piédestal d'où elle s'élance pour essayer d'accéder à la classe aisée. Mais si certaines y parviennent, c'est d'abord grâce au bon vouloir des hommes qui l'entourent. La danseuse doit plaire au maître de ballet qui décide de ses pas et de son avancement. Il faut plaire aussi à l'inspecteur de la danse qui lui permet de ne pas figurer au dernier acte de l'ouvrage, ce qui lui permet de rentrer plus tôt chez elle, au librettiste qui lui donne un rôle dans le prochain ballet, enfin au directeur qui renouvelle ou non son contrat. Mais les danseuses doivent vivre et payer très cher non seulement les fournitures, c'est-à-dire les chaussons et autres costumes de scène, mais elles doivent payer très cher leurs cours de danse si elles veulent sortir de l'anonymat. Et c'est ainsi qu'en 1831, Louis Véron, premier administrateur de l'opéra, officialise la pratique du protecteur qui finance la carrière des danseuses. Il autorise des amateurs choisis dans la bonne société à pénétrer dans le foyer lors des répétitions, ce qui leur permet de prendre plus facilement contact avec les danseuses et de faire leur choix, comme au marché aux bestiaux, quoi. Il s'agit donc, ni plus ni moins, d'une forme de prostitution ordinaire, admise par tous. Les mères des danseuses placent leurs filles auprès du plus offrant. Et lorsque la jeune fille montre trop de froideur auprès d'un bon parti, sa mère, selon les mémoires d'un administrateur de l'opéra, la sermonne. Sois donc un peu plus aimable, plus tendre, plus empressée. Si ce n'est pour ton enfant, pour ta mère, que ce soit au moins pour obtenir une voiture. C'est le docteur Véron qui raconte ça. Dans la comédie d'Halévy, Monsieur et Madame Cardinal, dans cette comédie, on met en scène la fameuse Madame Cardinal, qui est la mère de deux filles qui sont toutes deux danseuses à l'opéra. Il brosse de cette fameuse Madame Cardinal un portrait sans concession. Une grosse dame d'une mise négligée, un vieux tartan à carreaux sur les épaules, de vastes lunettes d'argent sur le nez, se tenait immobile, appuyée sur un portant dans les coulisses de l'opéra, et là, comme en extase, fixait la scène de ses gros yeux écarquillés et attendris. Elle suit de près la carrière de ses filles et veille sur elles depuis les coulisses du théâtre. Mais elle s'occupe essentiellement de leur trouver un protecteur. Ainsi, sa fille Virginie s'installe avec un marquis italien, marié et père de trois enfants qui vivent en Italie, dans un appartement qui est divisé en deux parties. L'une où s'installe le couple, et l'autre avec entrée séparée pour les parents, Cardinal, et la petite sœur Pauline, âgée de 15 ans. La petite sœur est danseuse elle aussi, elle est dans le premier quadrille, et déjà sa mère dit d'elle, on me l'a déjà beaucoup demandé, surtout Monsieur N, qui vient tous les 8 jours à la maison, mais la petite ne peut le souffrir. Alors, je n'ai pas le cœur de la brusquer, et puis voyez-vous, ce n'est pas là le rôle d'une mère. D'ailleurs, à quoi bon se presser, je vous le demande? La petite sera encore plus jolie l'année prochaine. Bien, la position de protégée d'un homme riche et si possible titré est donc le moyen quasi obligé d'accéder à une reconnaissance professionnelle. Lorsque progressivement les administrateurs, de l'opéra affirment leur volonté de moralisation de l'établissement, les mères en seront progressivement chassées, comme le seront les danseuses qui entachent la réputation de l'établissement en affichant leur statut de prostituée de façon trop évidente. Mais les frontières entre ces deux États restent bien fragiles. L'apparition, au début du XXe siècle, d'un syndicat de danseuses révèle que la profession s'organise, exigeant plus de sécurité et des conditions décentes dans l'exercice de leur métier. Une grève sans précédent dans les annales de l'opéra pour obtenir une augmentation substantielle des salaires a lieu en 1912. Un article dans l'Humanité de 1909 évoque les circonstances de la naissance de ce syndicat des tutus. Ce sont deux hommes qui, de fait, sont extérieurs au métier de la danse, l'un de la Fédération Générale des Spectacles, l'autre de la Fédération des Musiciens, qui sont chargés de présenter les revendications des danseuses. On y affirme que celles-ci sont exploitées par des agences louches et par des maîtres de ballet injustement sévères, tandis que l'on évoque, sans trop de précision, les abus dont danseurs et danseuses sont victimes. Voyons à présent les conditions de travail. Les conditions de travail sont évidemment très différentes selon que l'actrice appartient à un grand théâtre subventionné qui propose des contrats pérennes ou à de petites scènes privées où les acteurs sont payés lorsque le succès est là. Pourtant, les rythmes de travail imposés aux comédiens sont sensiblement identiques entre apprentissage des rôles, répétition et représentation. Le cadre de travail varie considérablement selon les théâtres. Cependant, aucun d'eux n'échappait au problème du froid glacial en hiver et de la fournaise des salles en été. Ce qui explique que les maladies dont souffrent le plus souvent les actrices, d'après les certificats médicaux fournis par les directeurs, parmi Ce sont essentiellement des problèmes d'enrouement et de rhumatisme. Si les salles offraient un confort relatif pour les spectateurs, il en allait tout autrement des coulisses et des loges des artistes. Charles Moncelet, dans son ouvrage sur les acteurs et actrices qui date de 1867, écrit « Qui n'a passé avec effroi devant l'immonde boyau de l'ambigu ? Qui ne s'est senti à moitié asphyxié dans l'allée ténébreuse de la porte Saint-Martin ? Entre ces murs humides de salpêtre, où pleure nuit et jour l'œil sanglant d'une lanterne. Tous les égouts du passage des panoramas dégorgent dans la cour des variétés, sans parler du sous-sol malsain du gymnase. Les frères Goncourt décrivent la loge de Lia Félix, qui est la sœur de Rachel, et qui joue à la porte Saint-Martin. Les quatre becs de gaz donnent une chaleur étouffante. C'est l'atmosphère stupéfiante d'un bain mort. La pensée s'engourdit. On y reste somnolent, tandis que vos doigts tripotent machinalement toutes les petites choses de toilette et de maquillage qui sont sur la tablette au-dessus de la glace. Les toilettes sont franchement répugnantes, insalubres, et il règne dans les coulisses une odeur, je cite, « où se mêlent à des sueurs de danseuses, des vapeurs de gaz, d'huile, des senteurs de poussière. » Aucune hygiène, donc, et un cadre de travail véritablement misérable et insalubre qui n'est pas étranger au développement d'affections particulièrement graves comme la tuberculose. Les actrices, notons quand même que les actrices du théâtre français sont nettement plus favorisées que leurs consoeurs des théâtres privés. Les loges à la Comédie-Française sont plus ou moins confortables et elles sont attribuées à l'ancienneté. Et ceci fait d'ailleurs l'objet d'âpres négociations. Mais lorsqu'une actrice avait une loge personnelle, pour les plus anciennes, elle pouvait la décorer à sa guise. Edmond Goncourt évoque la loge de Mademoiselle Lloyd avec son apparence de boudoir de cocotte, celle de la petite Samarie, où il y a de la femme bohème avec son plafond fait d'éventails japonais, ou encore celle de Madeleine Brohan, rappelant la chambre bourgeoise d'une femme de 1840, avec son élégance vieillotte, ses photographies encadrées. Il faudra attendre cependant la fin du XIXe siècle pour que les loges deviennent réellement plus confortables un peu partout. Sarah Bernhardt en donne l'exemple en faisant installer pour elle, mais pour les autres comédiens aussi. Mais pour elle, elle se fait installer dans son théâtre de la place du Châtelet un véritable appartement qu'elle chauffait en toute saison. Il comprenait salle d'habillage avec une immense table de maquillage, un miroir à 8 faces, une salle de bain, une cuisine, une salle à manger où on pouvait recevoir une douzaine de convives. Passons au rythme de travail des comédiennes. Le rythme de travail des comédiennes au 19e n'a absolument rien de comparable avec celui tel qu'il existe aujourd'hui. Les comédiens jouaient plusieurs pièces simultanément et n'avaient quasiment pas de jour de repos. Les théâtres faisaient rarement relâche, et si le théâtre français ne donnait des représentations que 5 ou 6 jours par semaine, il en allait tout autrement dans les théâtres privés qui devaient jouer tous les soirs pour faire face à leurs frais de fonctionnement. Chaque soir, avant de quitter le théâtre, les artistes devaient consulter un tableau d'affichage sur lequel était inscrite la composition des représentations du lendemain. Même dans le cas où il ne figurait pas dans les représentations prévues, il devait être présent tous les soirs pour pouvoir éventuellement remplacer un acteur défaillant. Et la journée de travail de la comédienne était donc très longue. Et Balzac dit, dans son roman Une fille d'Ève, il décrit cette vie de cheval de manège où l'actrice est soumise à des répétitions sous peine d'amende, à des lectures de pièces, à des études constantes de rôles nouveaux. À peine a-t-elle le temps de dîner. Couchée à 1 ou 2 heures du matin, elle doit se lever assez matinalement pour repasser ses rôles, ordonner ses costumes, les essayer, puis déjeuner, lire les billets doux, y répondre, travailler avec les entrepreneurs d'applaudissements. Vous savez, c'est la claque qu'on paye pour soigner ses entrées et ses sorties. C'est un rythme de vie réellement épuisant. Et Rose Chéri, qui travaille au théâtre du Gymnase, écrit dans une lettre qu'elle envoie à une de ses amies: « Depuis que tu es partie, j'ai répété tous les jours depuis 10h30 jusqu'à 4h de l'après-midi, et tu sais que je joue presque tous les soirs. » Donc elle sautait le repas de midi, puis elle était prise tous les soirs jusqu'à 1h ou 2h du matin. Le rythme de travail des danseuses était encore plus soutenu que celui des comédiennes, parce qu'elles avaient les classes de danse du matin, des répétitions l'après-midi et des représentations le soir. Voyons précisément en quoi consistaient les répétitions. Lorsqu'un théâtre donc montait un nouveau spectacle, les répétitions se déroulaient en fait en deux temps. Les acteurs devaient d'abord travailler leurs textes en les lisant, puis dans un deuxième temps, ils devaient les mémoriser. Et s'ils ne savaient pas leur rôle, ils étaient soumis à l'amende. L'usage de l'amende en cas de négligence ou dans l'apprentissage des rôles ou en cas de retard était une règle absolument commune à tous les théâtres. Les répétitions commençaient d'abord sur plateau nu, puis avec des décors et des accessoires, tout cela sous les ordres d'un régisseur qui tenait plus ou moins le rôle, encore mal défini à l'époque, de metteur en scène. Les répétitions s'achevaient avec la répétition en costume, ce qu'on appelle la couturière, qui précédait la générale, qui est la dernière mise au point avant la première. Tant que duraient les répétitions, les actrices vivaient en décalage complet avec la vie normale. Les Goncourt écrivent dans leur journal « Tout le jour dans la nuit, une suspension de tout, de la vie réelle, de l'heure du dehors, du soleil. En sortant de là à 4 heures, on rencontre une fin de jour. On tombe, tout hébété et tout désorienté dans la rue. On ne sait plus si on vit, si on rêve. Les tournées. La plupart des théâtres parisiens ne fonctionnaient pas toute l'année. Le Théâtre Français, notamment, payait ses acteurs sur 9 mois, car la saison estivale marque une période de fermeture de 3 mois. Pendant l'été, lorsque les théâtres parisiens faisaient relâche, les comédiennes n'étaient donc pas payées. Et pour subvenir à leurs besoins, la tournée dans les villes de province ou à l'étranger était une nécessité vitale. Le sujet des tournées est trop vaste réellement pour être traité ici, mais en quelques mots. Il faut savoir que la tournée est une pratique obligée pour les actrices, plus ou moins rentable en fonction de leur notoriété. Rachel, par exemple, entame un procès retentissant avec le Théâtre Français parce qu'elle se fait constamment porter malade pour pouvoir se produire en tournée sur des scènes étrangères qui lui font des ponts d'or. Soulignons seulement que le rythme de vie pour la plupart des actrices en tournée était très soutenu, car il fallait compter avec les fatigues du voyage, l'adaptation quotidienne à de nouvelles salles et à de nouveaux partenaires. Passons aux contrats de travail et aux appointements. Les actrices sont soit directement embauchées par le directeur d'une troupe, soit formées par le conservatoire. Et dans ce cas, les lauréates des concours entrent à la Comédie-Française ou à l'Odéon, où elles peuvent, par cooptation, devenir d'abord pensionnaires, puis sociétaires. Avant d'être engagée, l'actrice signe un contrat qui l'engage auprès de la direction d'un théâtre. Bien évidemment, s'il s'agit d'une femme mariée, la signature d'un contrat nécessite l'autorisation du mari, car une femme mariée est considérée comme mineure aux yeux de la loi. Les contrats sont extrêmement variables selon les théâtres, mais dans l'ensemble, on peut dire qu'ils sont extrêmement coercitifs. Horaires illimités, pratiques généralisées de l'amende, de la mise à pied, contraintes en tout genre. Citons à titre d'exemple le contrat signé par une jeune actrice, Gabi Gladys, avec le directeur du Théâtre des Variétés. Le directeur, nous dit le contrat, engage l'actrice pour chanter, danser ou figurer à sa première réquisition, en tout temps, à toute heure, en tout lieu, même en province ou à l'étranger, plusieurs fois et dans divers théâtres le même jour, en matinée et en soirée, tous les rôles qui lui seront attribués sans distinction de genre ni d'emploi. L'actrice s'engage aussi à apprendre au moins 50 lignes de ses rôles tous les jours, et en cas d'erreur, elle se verra infliger une amende égale à la moitié de ses appointements. Elle est aussi tenue d'être présente tous les jours au théâtre, même si elle ne joue pas, afin de pouvoir remplacer en cas de nécessité une actrice défaillante. Pour cela, ses appointements se montent à 200 francs par mois. En cas de maladie, elle ne touche plus rien. La jurisprudence montre que la plupart des contrats étaient similaires. Ainsi, il est rappelé aux plaignants que les comédiens doivent se rendre aux répétitions à l'heure indiquée, lors même qu'ils savent déjà leur rôle, et se soumettre aux mesures d'ordre et de discipline intérieure prescrites par le directeur. De plus, l'usage des amendes établies par les directeurs assure la bonne exécution des règlements. En cas de maladie, un directeur ne peut être tenu de payer les appointements pour des services qu'on ne rend pas. Le salaire stipulé doit être payé proportionnellement au temps pendant lequel l'obligation a été rendue. En d'autres termes, la comédienne ne jouissait donc d'aucune sécurité. Certes, il existait bien une association de secours mutuel des artistes dramatiques, mais les aides consenties s'avéraient nettement insuffisantes en cas de maladie sérieuse. La solidarité entre artistes existait cependant, et on organisait des soirées dites à bénéfice, dont la recette était versée à l'actrice dans le besoin. Enfin, si le théâtre arrêtait son activité, l'acteur n'était pas créancier prioritaire. Les acteurs, en cas de faillite, je cite, hein, les acteurs en cas de faillite du directeur du théâtre auquel ils sont attachés ne jouissent pas pour le paiement de leurs appointements du privilège établi par l'article 549 du Code de commerce. Comme on peut le constater, les termes des contrats qui liaient donc les actrices à leur directeur étaient très durs et les contestations ne trouvaient pas une écoute très indulgente de la part du législateur. Mais les contrats déterminaient surtout, et c'est là la clause la plus importante à laquelle je vais venir, le montant des appointements consentis aux actrices. Les appointements des actrices variaient selon plusieurs critères. Une chanteuse lyrique est mieux payée qu'une danseuse, qui est mieux payée qu'une comédienne. En 1838, Théophile Gautier écrivait « Les salaires des comédiens, chanteurs et danseurs se sont élevés à des taux exorbitants et en dehors de toute proportion avec ceux des autres artistes. Beaucoup de danseuses gagnent 100 000 francs par an. Les chanteuses les plus célèbres se payent 60 000 francs, 80 000 francs et au-dessus. » La rétribution des actrices était fixée par contrat et se divisait en deux parties. Des appointements, mensuels ou annuels, auxquels s'ajoutait ce qu'on appelait des feux, c'est-à-dire une somme fixe, versée par pièce jouée, en fonction du nombre d'actes interprétés au cours d'une même soirée. Au cours du XIXe siècle, il y a un nouvel usage qui se répand, qui est la rétribution au cachet. C'est-à-dire par soirée, on est payé à la soirée. Mais ce type de rétribution au cachet ne concerne que les grandes vedettes qui profitent de leur notoriété pour opter pour ce genre de contrat beaucoup moins contraignant et très lucratif. Ainsi, la cantatrice Adelina Patti touchait un contrat de 5000 francs par soirée pour 4 représentations à la salle Ventadour. Mais la rémunération variait aussi en fonction des emplois exercés. En effet, à l'embauche, les actrices se voyaient attribuer ce qu'on appelait des emplois, c'est-à-dire qu'on fixait leur rôle en fonction d'une typologie bien établie. Premier rôle, coquette, confidente, soubrette, ingénue, etc. C'est ainsi que le théâtre de l'Odéon paye dans les années 1830 6 000 francs pour un premier rôle, 5 000 pour le rôle de la grande coquette, 4 000 pour la première amoureuse. Les derniers rôles, ce qu'on appelle les comparses, sont rétribués aux alentours de 500 francs. Les appointements étaient aussi très différents selon l'importance des théâtres, bien sûr. Dans les années 1850, les comédiennes les mieux payées de la Porte Saint-Martin touchait 24 000 francs plus les feux, au gymnase 20 000 et au théâtre des variétés 6 000 francs maximum, et cela pour les actrices les mieux payées. À son entrée à la Comédie-Française, pour donner un ordre de comparaison, Sarah Bernhardt touche un fixe de 12 000 francs annuels. Et quelques années plus tôt, Rachel, grâce à son immense notoriété, est rétribuée en tant que sociétaire 42 000 francs auxquels s'ajoutent les feux, les tournées et les fameuses tournées qu'elle fait en plus pendant les 3 mois d'été. Elle arrive globalement à 100 000 francs par an. Ainsi, la célébrité se monnaie et les grandes cantatrices, les danseuses étoiles, les tragédiennes célèbres gagnent des fortunes. À l'opposé, certaines comédiennes étaient parfois contraintes à accepter une diminution de leurs appointements si le théâtre se trouvait en difficulté. Ainsi, le théâtre des délassements comiques, qui est dirigé par M. Hiltbrunner, est obligé de baisser la rémunération de ses actrices. M. Hiltbrunner écrit en 1854 « Je donne à mes actrices 50 à 60 francs par mois. » Souvent, une femme vient me trouver en disant que 50 francs, ce n'est pas assez, qu'elle va être obligée de raccrocher, comprendre, se prostituer. Et notre bon directeur de conclure, mon théâtre est un bordel. Il existe, on l'a vu, une grande disparité entre les rétributions des métiers de la scène, entre celles qui vivent largement et celles qui survivent et ne peuvent se passer soit du complément d'un autre petit métier, soit, et c'est le cas le plus fréquent, de l'aide d'un protecteur. La fortune qui sourit à quelques exceptions ne saurait faire oublier la précarité dans laquelle vivent la plupart des actrices. Car si certaines ont réussi à faire fortune, beaucoup mènent une vie franchement misérable. Et c'est pourquoi l'actrice figure en bonne place dans l'ouvrage de Julie Victoire d'Aubier sur la femme pauvre, qui est une sorte d'essai sociologique dans lequel elle décrit la spécificité de la misère féminine dans la société française du XIXe siècle. Si elle y dresse de l'actrice un portrait misérabiliste et moralisateur, elle dénonce cependant une certaine réalité de la condition des femmes de théâtre, souvent contraintes à la prostitution pour vivre. La moralité qui règne dans les théâtres, dit-elle, elle dénonce notamment la moralité qui règne dans les théâtres et elle poursuit, je cite, hein, « On ne saurait redire tous les pièges tendus à la débutante dont la moralité seule est souvent cause d'insuccès. On a pu citer des jeunes filles de talent, repoussées par différents directeurs de théâtre parisiens pour cause de bonne conduite. Des éducateurs spéculant sur les aspirantes font briller à leurs yeux d'or du déshonneur. L'or du déshonneur, qu'est-ce que je raconte ? Dans quelques théâtres, les débutantes, au lieu de recevoir une rétribution, doivent payer la direction qui, les mettant en scène, les désigne à une certaine clientèle d'amateurs. Ainsi, la misère matérielle des actrices pauvres s'ajoute à la misère matérielle des actrices pauvres, s'ajoute la misère morale qui les contraint à se prostituer pour vivre. En troisième partie, je vais rapidement évoquer les femmes qui veulent diriger, qui se sont lancées dans la direction des théâtres. C'est vraisemblablement ce statut de femme facile, objet de fantasmes et de plaisirs, qui a stigmatisé la plupart des actrices. C'est contre ce statut que certaines d'entre elles se sont élevées. Et c'est le cas notamment des quelques femmes qui se sont lancées dans la direction des théâtres. Ce fait rarissime au XVIIIe siècle reste encore exceptionnel au XIXe. On trouve surtout parmi les directrices de salles des veuves de directeurs qui reprennent l'entreprise de leur époux, et ce fait est du reste étroitement lié au statut juridique de la femme. Lorsqu'elle se marie, elle passe de la domination paternelle à celle de son époux, et ce n'est qu'à la mort de celui-ci qu'elle devient majeure et récupère donc la capacité juridique de créer une entreprise et de la diriger. Celles qui deviennent chefs d'entreprise théâtrale sont donc soit célibataires, soit veuves, soit divorcées, en fait, à la fin du siècle, parce que c'est à partir de la loi sur le divorce de 1893, comme c'est le cas pour Réjeanne. Lorsqu'elles sont mariées, pour éviter que leur époux ne prenne la direction du théâtre, Elle place au poste de directeur un homme de paille qui leur est tout dévoué. C'est ainsi que Sarah Bernard, qui est mariée alors à Jacques Damalat lorsqu'elle prend la direction d'un théâtre, décide de nommer son fils Maurice à la tête du théâtre de l'Ambigu. De même, lorsque Virginie Déjazet achète en 1857 les Folies Nouvelles, elle en confie la direction à son fils Eugène. Mais ce sont elles qui, de facto, conservent bien la direction des opérations. Elles sont pour la plupart des femmes chefs de famille, vivant fréquemment d'ailleurs en union libre et élevant seules leurs enfants. Ce sont des femmes indépendantes, donc, mais responsables, et qui répondent aux besoins impératifs de faire vivre tout le groupe familial, parents et enfants, frères et sœurs. C'est le cas notamment de Sarah Bernard, mais aussi de Rose Chéry, qui se bat pour l'entreprise familiale du gymnase, et aussi de Virginie Déjazet, la directrice du théâtre qui porte son nom, qui se tue littéralement à sa charge, à la tâche, et prend à sa charge à la fois ses enfants, mais aussi leur conjoint et ses petits-enfants. Ajoutons que la loi de libéralisation des théâtres de 1864 ouvre aussi aux femmes de nouvelles perspectives, car dorénavant, les théâtres qui étaient soumis au bon vouloir du ministère des Beaux-Arts, qui ne confiait globalement les autorisations d'ouverture qu'à des hommes, deviennent accessibles aux femmes. La nouvelle loi permettait donc à celles que l'aventure tentait de créer leur propre théâtre sans autorisation officielle. Mais le monde du spectacle reste essentiellement misogyne, et c'est dans ce contexte qu'une certaine forme d'ambition spécifiquement féminine se dessine, centrée sur un besoin de reconnaissance sociale et intellectuelle. Ce n'est en fait ni la recherche de la célébrité ni celle de la fortune qui est à l'origine de cette forme particulière d'ambition. Pour faire fortune, l'entreprise théâtrale, d'une part, était très risquée. L'exploitation d'un théâtre était souvent un véritable gouffre financier et les entrées payées par les spectateurs ne suffisaient pas bien souvent à couvrir les frais de fonctionnement. Sarah Bernard, du reste, en fit la cruelle expérience en perdant jusqu'à 2 millions de francs or lorsqu'elle dirigeait le théâtre de la Renaissance. Pour renflouer les caisses du théâtre et pour pouvoir payer les acteurs, les loyers, les frais d'éclairage, le chauffage, etc., et s'acquitter des taxes, la solution retenue était très souvent la fermeture momentanée de la salle et l'organisation d'une tournée en province ou à l'étranger. C'était une solution très rentable qui a été abondamment utilisée par nos directrices, que ce soit Déjazet, Rose Chéry, mais aussi Sarah Bernard, devenue millionnaire à la suite de sa tournée outre-Atlantique. Et ce n'est certes pas la direction théâtrale qui est à l'origine de la fabuleuse fortune de Sarah Bernard. Ce n'est pas davantage l'exploitation de son théâtre qui avait permis à Virginie de Déjazet d'acquérir sa propriété de Seine-Port, bien au contraire. Ce n'est donc pas, clairement, l'appât du gain qui était à l'origine de cette vocation, mais bien la volonté de diriger une entreprise dans laquelle elles auraient entière liberté de création et d'expression, c'est-à-dire le choix des auteurs, des pièces, des interprètes, mais aussi de créer un lieu dans lequel elles accéderaient à un statut de dirigeante, avec la gestion du budget, le montant des appointements, l'embauche, la direction des acteurs, etc. Diriger un théâtre, c'est donc tout d'abord gagner un espace de liberté. Mais c'est aussi une manière d'être reconnue en tant que femme d'affaires responsable, capable d'investir et de faire face aux obligations dans le monde de l'entreprise. Surveiller les recettes pour qu'elles couvrent les frais du théâtre, la paye des comédiens, des musiciens, etc. Contrairement aux directeurs de théâtre, qui, dans leur ensemble, ne sont pas forcément issus du milieu théâtral et parmi lesquels on trouve des investisseurs de tous bords, que ce soit des banquiers, des hommes d'affaires ou des journalistes, les actrices qui se sont lancées dans la direction les femmes qui se sont lancées dans la direction du théâtre sont toutes issues du milieu du théâtre, ce sont toutes des actrices. Elles ont en commun, à part leur passion pour le théâtre, une volonté d'indépendance, mais aussi une ambition particulière, celle d'être reconnue dans le monde du théâtre en tant que créatrice, et d'inscrire cette reconnaissance dans la durée, en donnant leur nom à leur propre théâtre, et donc en l'inscrivant dans la pierre, au fronton de l'édifice, pour qu'il passe à la postérité. Donc le milieu des femmes dans les métiers de la scène au XIXe siècle est, j'espère l'avoir montré, un monde complexe aux multiples facettes. Et en essayant d'en dresser un panorama qui est loin d'être complet, on peut cependant noter quelques constantes. Dans la société figée du XIXe, le milieu théâtral est un espace ouvert à celles qui n'ont pas la chance d'être bien nées. C'est donc tout naturellement qu'une jeune fille d'origine modeste tente d'intégrer ce monde séduisant pour essayer d'accéder à une vie meilleure. Et de fait, certaines réussites emblématiques prouvent que la chance et le talent aidant, on peut y faire fortune. Mais ces réussites exceptionnelles ne peuvent cacher la dure réalité de la vie quotidienne des petites mains qui gravitent dans le monde du spectacle, pas plus que la vie difficile des actrices sans renom.